vendredi 1er juin. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. 4 morts et 3 blessés, tel est le bilan sécuritaire des 2 derniers jours dans les communes Bugendana et Gasolgwe. Vous l'entendrez en début de ce journal. Les institutions étatiques actuelles issues des élections de 2015 pourront continuer à fonctionner jusqu'en 2020 et l'actuel président burundais ne peut dissoudre le Parlement. Telle est la lecture du politologue Désiré Yamouremié après la validation ce jeudi des résultats du scrutin référendaire par la Cour constitutionnelle. Les universités tant publiques que privées doivent définitivement clôturer l'ancien système éducatif LMD avec l'année académique 2017-2018, précise une ordonnance du ministre de l'Enseignement supérieur de ce 30 mai. À la fin de ce journal, vous aurez la chronique environnement. L'environnementaliste Albert Mbonelane nous parlera de la gestion des eaux de pluie. Les détails, c'est dans ce journal mis en onde par Aimé Toussaint Mitebouti à la présentation. Mireille Kanyangé, encore une fois, bienvenue. La radio de l'avenir. Bonjour. Page sécurité pour débuter ce journal. Un homme est mort tué par balle et 3 autres ont été blessés, dont un grièvement au centre Mouninya sur la colline Mirama de la zone Mugera en commune Bugendana de la province Gitega. L'administrateur communal indique qu'il s'agit d'un groupe de bandits que la police a commencé à poursuivre et la population, quant à elle, demande que sa sécurité soit assurée. Du moment que dans la province Gitega, ce genre de forfait n'est pas monnaie courante. Les détails avec Arthur Kavaouchi. Le crépitement d'armes a commencé à s'entendre vers 21h dans la nuit de ce jeudi à vendredi lorsqu'un groupe d'hommes armés et non encore connus a fait irruption au centre de Mouninya. L'administrateur de la commune de Bugendana, Bukuru Béatrice, nous a fait savoir qu'il s'agit d'un groupe de bandits qui venait voler dans les boutiques du centre Mouninya et qui a tiré. Cet administrateur indique qu'ils ont pu voler dans 3 boutiques et qu'ils ont tué par balle un homme et blessant 3 autres, dont un grièvement, et qu'à ce moment, ils sont à l'hôpital pour recevoir des soins et que le défunt se trouve à la morgue en attendant les obsèques. Quant à la police, elle a déjà commencé à prendre en chasse, ce groupe. Les habitants du centre où a eu lieu ce forfait demandent à l'administration et aux agents de l'ordre de sécurité de redoubler d'efforts pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens, étant donné que dans la province de Gitega, ce genre de forfait n'est pas monnaie courante. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mouriquier, indique que c'est un groupe de 4 voleurs armés de fusils et de grenades qui a tiré et lancé 3 grenades, blessant 4 personnes et tuant 1 personne. Ce porte-parole souligne qu'ils ont volé de l'argent et beaucoup d'articles des boutiques et que la police est en train de les rechercher activement. Depuis Gitega, Arthur Kavaouchi pour la radio Isanganiro. Toujours en page sécurité, cette fois-ci en province Muyinga, 3 hommes dont le chef de colline Migunga en commune Gasolgwe de cette province ont été arrêtés et conduits à la prison de Muyinga ce jeudi. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort de 3 hommes tués au cours de la nuit de mercredi à jeudi de la semaine en cours. Les administratifs indiquent que les personnes tuées étaient accusées par les habitants d'être des voleurs. Les détails avec Dieudonné Nzeiman. Sur la colline Migunga, commune Gasogwe, 3 personnes ont été lynchées par des gens en patrouille dans la nuit de mercredi à jeudi. Le chef de colline Migunga est soupçonné d'avoir pris part à cette opération qui visait des présumés voleurs. L'opération de traque des supposés voleurs a eu lieu sur 3 collines dans la même nuit, à savoir Migunga, Butibura et Kalira en zone Gasogwe. Le chef de colline a été arrêté en compagnie de 2 responsables locaux parmi les plus zélés dans cette affaire de justice populaire. Jean-Claude Barquanayo, administrateur de la commune Gasogwe, compte animer une réunion de sécurité à cet effet. Pour lui, le message est clair, la justice populaire est à bannir. Ça peut même emporter la vie des innocents. Et de rappeler, la peine de mort infligée aux 3 supposés voleurs n'est d'ailleurs plus reconnue par le droit burundais. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal par la page politique. Les institutions étatiques actuelles issues des élections de 2015 pourront continuer à fonctionner jusqu'en 2020 et l'actuel président burundais ne peut dissoudre le Parlement. La lecture est celle du politologue Désiré Yamouremié après la validation ce jeudi des résultats du scrutin référendaire par la Cour constitutionnelle. Je vous prie de le suivre. Il vient d'être joint au téléphone par Charles Makoto. Dès que la Cour constitutionnelle confirme les résultats d'un référendum, il sera régi par cette nouvelle constitution. C'est la première chose. Donc, qu'on ait voté, oui, qu'on ait voté. Maintenant, la République du Burundi sera régie par cette nouvelle constitution. Ça veut dire tous les citoyens burundais autour. Et même le résident étranger sera régi par cette loi mère qui génère d'autres lois qui gouvernent le pays. Deuxième chose, il y a des gens peut-être qui se posent des questions sur les institutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut distinguer certaines choses. La constitution, la nouvelle qui a été votée, le dit très bien que les institutions élues sont connues, c'est le Parlement, sa chambre haute et sa chambre basse, ça veut dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ça veut dire le Parlement et le Sénat, ce sont les conseils communaux et d'habitateurs qui ont été votés. Et par conséquent, et voilà, en premier lieu, c'est le président de la République qui a été élu. Ça, ce sont des institutions, dans la nouvelle constitution, ils ont donné un délai qui, jusqu'en 2020, ces institutions restent. Le reste, c'est la manière de mettre en place d'autres institutions, l'exécutif, comment on nomme des procureurs, comment est-ce qu'on nomme, je ne sais pas, des gens qui sont nommés par décret. Ça, c'est la prérogative du président de la République maintenant d'appliquer ce qui est explicité par cette nouvelle constitution. Les gens peuvent se poser la question, est-ce que le gouvernement peut changer ça, c'est l'esprit de la nouvelle constitution le dit, ça va se faire. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'esprit d'Arusha, ça veut dire le cœur même d'Arusha, ça veut dire le partage du pouvoir entre, disons, après, on soit les ethnies, même si c'est problématique et discutable, mais comme nous avons vécu cette histoire qui est la nôtre, je pense que ça sont des choses qui sont tout à fait claires et qui sont régies par les prérogatives des uns des autres dans la constitution. Ça veut dire qu'elles ont été votées. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un peut se demander, est-ce que le président aura les prérogatives de démettre l'Assemblée nationale comme le stipule la nouvelle constitution? Même en fait, si vous regardez bien, vous avez dit ça dépend des chiffres, mais je pense que souvent nous les Burundais nous aimons nous atteler des exceptions. Père Désiré Yamouremié, vous voudrez bien nous excuser de la qualité sonore de cet élément. Toujours en page politique, le parti Sahwanya Frodebout célèbre ce 1er juin le 25e anniversaire de la victoire de la démocratie au Burundi. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, le vice-président de ce parti a indiqué que les acquis de la démocratie au Burundi sont en train de s'éroder, même si ses bases sont là. Toutefois, Léonce Ngendakoumana a tenu à signaler qu'ils ne vont pas se lasser dans le combat politique au sein de ce parti. Il compte œuvrer pour l'instauration d'une école de la démocratie pour que toutes les couches de la société sachent quel comportement adopter, a-t-il signalé. Je vous prie de le suivre au micro de Francine Dehokoubgaïou. Les bases de la démocratie, je le confirme, sont là. La démocratie a comme pilier, si vous voulez, les partis politiques. Ils ne fonctionnent pas, mais ils sont déjà là. Le deuxième pilier de la démocratie, ce sont les organisations de la société civile qui parlent au nom de tous les citoyens qui ne sont ni dans les institutions ni dans les partis politiques, malgré les lacunes, les faiblesses, elles sont là. Le troisième pilier de la démocratie, ce sont les médias. Les médias, vous êtes là, vous fonctionnez. Le principe d'accéder au pouvoir, de gérer le pouvoir, et de l'occuper par la voie des élections, il est là, il est dans les textes. Des textes fondamentaux comme la constitution, comme les lois organiques, comme les lois ordinaires pour instaurer un état de droit au Burundi sont là. Alors maintenant, le problème, c'est le fonctionnement de tout cela par rapport à la démocratisation de notre société. Il faut d'abord avoir un pays stable. Il faut avoir des citoyens libres. Beaucoup de Burundais ne sont pas libres aujourd'hui. Il faut avoir un peuple qui est formé et informé, éduqué à ses droits, éduqué aux valeurs démocratiques. Tout ça, nous ne sommes pas encore là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poursuivre le combat que nous avons engagé pour l'instauration d'un état de droit, d'un état démocratique au Burundi, en commençant par l'éducation de nos militants, ensuite par des discussions avec nos partenaires, nos collègues des partis politiques, des débats contradictoires avec les pouvoirs publics. Nous allons continuer à œuvrer pour qu'il soit instauré au Burundi une école de la démocratie où toutes ces valeurs, ces principes que je viens d'énumérer soient enseignés et à la population et aux partis politiques et même aux gestionnaires des institutions pour que chaque catégorie comprenne ce que doit être son comportement dans un contexte démocratique. Léonce Ngendakoumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebusan, transition page éducation. Les universités publiques et privées doivent clôturer définitivement l'ancien système avec l'année académique 2017-2018. Dans une ordonnance ministérielle du 30 mai courant, Gaspard Banyangimbona, ministre de l'enseignement supérieur, fait savoir qu'après ce délai, les institutions universitaires vont se conformer au nouveau système. Les détails avec Linibel Nibigira. Dans cette ordonnance ministérielle, les lauréats étudiants suivant l'ancien système LMD doivent se conformer au nouveau système d'enseignement universitaire depuis le début de l'année académique prochaine 2018-2019. De plus, le délai donné par le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique une fois dépassé, les diplômes, certificats et titres universitaires seront qualifiés d'irréguliers. Ces documents ne seront également plus considérés ni reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur selon la même ordonnance ministérielle. Gaspard Banyangimbona, ayant l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions, précise que cette décision concerne les établissements universitaires, tant publics que privés. Cette ordonnance ministérielle poursuit que les étudiants qui seront encore dans l'ancien système seront régis par le nouveau, mais à condition qu'il y ait préalablement capitalisation des crédits ou équivalents crédits accumulés. Le ministre Banyangimbona fait savoir que les titres professionnels seront aussi octroyés aux lauréats qui n'avaient pas réussi à l'examen d'État qui donne accès à l'université, comme le stipule l'article 5 du décret présidentiel portant conditions d'accès à l'enseignement supérieur universitaire au Burundi du 18 octobre 2012. L'insuffisance des salles de classe et les matières non adaptées au niveau des élèves, ce sont quelques-uns des défis qui hantent l'enseignement fondamental du système éducatif burundais. Les propos sont du représentant légal de la coalition pour l'éducation pour tous, Wafashebige. Il a dit ce vendredi, au cours d'un atelier de formation des représentants des organisations membres de cette coalition. Je vous prie de le suivre. L'objectif majeur de cette formation, c'est de faire comprendre aux membres de la coalition les raisons de la réforme et comment elle est mise en œuvre, ainsi que les défis et le rôle que peuvent jouer les organisations de la société civile pour que cette réforme puisse aboutir à bon port. Comme vous avez suivi les échanges, les participants ont soulevé certains défis liés à la réforme. Principalement, il y a les ressources matérielles, humaines et financières qui est insuffisante. Et on a constaté aussi qu'il y a certains programmes dont les enseignants ne sont pas formés, à titre illustratif, l'entrepreneuriat, par exemple. Ce sont des formations continues que les enseignants reçoivent. Et on a constaté aussi d'autres défis. Il y a l'insuffisance des salles de classe. Il y a aussi le problème des enfants qui échouent le test de la 9e année, qui ne sont pas bien encadrés après avoir échoué ces textes. Tout cela, ce sont les différents défis qu'on a pu relever. Alors, notre rôle en tant qu'organisation de la société civile, c'est de faire le plaidoyer pour que la réforme puisse réussir à 100%, puisque c'est une dynamique régionale et internationale. On doit s'adapter et on doit s'intégrer. Parlons commerce à 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro. La date du 1er juin annoncée comme début du premier paiement du café cerise n'a pas été respectée par la plupart des responsables des stations de lavage. Le directeur général de l'autorité de régulation de la filière café Arfic dit qu'il est en train de suivre de près pour que le retard enregistré ne soit pas excessif. Emmanuel Niungeko rassure que l'Arfic tient aux intérêts des caféiculteurs, bien qu'il soit encore tôt pour s'inquiéter, dit-il. On l'écoute, il répond aux questions de Joseph Nsabiabandi. Pour nous, nous voyons que ce n'est pas trop tard. Le premier jour semble-t-il difficile pour certaines activités, mais les députés avec qui on s'était parlé ce matin nous ont confirmé qu'à tout moment, ils peuvent commencer le paiement parce que la plupart n'ont pas de problèmes de financement. Est-ce qu'il y a une date butoir à ne pas dépasser justement pour que le premier paiement puisse prendre effet? Comme nous avons décidé cette réunion de façon consensuelle, nous avons demandé par la suite à ce que tous les pilpères nous produisent un programme de paiement préétabli. Alors nous attendons bien sûr que ce programme nous soit parvenu afin de voir celui qui pourrait étendre le paiement sur une longue période pour pouvoir le ramener dans les délais raisonnables pour que le caféiculteur puisse bénéficier bien sûr de ces efforts. On a vu dans le passé qu'il y a des responsables des usines de démarchage qui n'ont pas respecté leurs contrats avec les caféiculteurs. Qu'est-ce qui peut être fait justement pour sauvegarder les intérêts du caféiculteur? L'AFIC a le droit de voir comment orienter, aider celui qui a ce problème pour que le paiement soit dans les délais raisonnables. Si nous voyons qu'il y a l'une ou l'autre inquiétude fondée, l'AFIC décide, en fonction de ses missions, de voir comment les fonds doivent revenir à la population qui avait fourni de la cerise. À vous entendre, les caféiculteurs peuvent être tranquillisés pour cette saison. Les caféiculteurs peuvent être tranquillisés parce que nous allons bientôt organiser même les missions de superviseur pour voir ceux qui sont en train de se conformer réellement à la réglementation en vigueur et voir ceux qui ne sont pas en train de respecter le règlement pour que nous donnons notre orientation en faveur des caféiculteurs. Emmanuel Niungeko, c'est le directeur général de l'ARFI qui répondait aux questions de notre confrère Joseph Nsabiabandi. La vie est trop chère dans ces jours-ci, d'où il faut travailler le temps maximum possible pour trouver de quoi nourrir la famille. Telles sont les explications de certains parents qui se sont exprimés au micro-baladeur de la radio Isanganiro ce vendredi. Au moment où ce 1er juin, c'est une journée internationale dédiée aux parents. Toutefois, ils font savoir que malgré cette cherté de la vie, ils doivent concilier le travail et l'organisation de la famille. Retournons un tout petit peu en province Rumonge, où les petits commerçants, surtout ceux qui étendent les produits vivriers par terre ou sur les étagères, se lamentent qu'aucune place ne leur a été réservée au marché moderne de Muruzu. En commune et province Rumonge, ces commerçants demandent que leur cas soit analysé. Célestin Itanga, administrateur communal de Rumonge, rassure que leur cas sera prochainement traité. Radio Isanganiro Chronique. Place à la chronique environnement de ce vendredi. Les inondations provenant de l'eau des eaux de pluie provoquent des conséquences matérielles et humaines. L'expert en environnement explique que l'homme est le premier acteur, mais tout peut avoir des solutions. Dans la chronique environnement d'aujourd'hui, l'ambassadeur Albert Ambonella nous propose quelques solutions. Suivez. Dans notre précédente chronique environnement, nous vous avions parlé des causes des inondations en mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, l'expert en environnement Albert Mbonelane explique que les conséquences engendrées par ces inondations frappent d'abord l'homme. Alors les conséquences auxquelles nous assistons aujourd'hui, ça frappe d'abord l'homme. Je détruis, comme les autres disaient, après moi le déluge. Mais quand vient le déluge, tu es parti. Il y a les enfants, il y a les générations qui sont là-bas. Il faut penser à ces générations. La personne humaine, c'est le grand acteur aujourd'hui de la destruction de l'environnement, parce que nous cherchons seulement à gagner sans savoir quel est le coût de l'environnement. Et si on ne protège pas l'environnement, c'est quand la nature se révolte. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune arme contre, je dirais, les catastrophes naturelles. On ne fait que observer. Cet expert en environnement se demande si le code de l'environnement est respecté. C'est l'État qui devrait s'en charger. Maintenant, c'est une chose qu'au niveau de l'inspection générale de l'État, on devrait faire pour s'assurer que est-ce que le code de l'environnement est respecté? Est-ce que le code de l'eau est respecté? Est-ce que le code foncier est respecté? La question que je me pose, à quoi servent ces textes? Alors que ça devrait être des guides pour nous dire, attention, pour la protection de l'environnement, il faut respecter ces textes de loi. Mais aujourd'hui, on oublie carrément que ces textes existent, alors je dirais que c'est un peu dommage. Pour protéger ces quartiers inondés, Albert Mbonelane dit qu'il faudrait s'assurer que la canalisation est bien fonctionnelle. Là, au niveau des quartiers inondés, c'est urgent et là aussi ça demande des moyens parce que maintenant il faudrait s'assurer que si je prends par exemple Charama, si je prends par exemple Kiang du côté de Buterere ou si je prends du côté de Kajaga, nous sommes au bord du lac Tanganyika, il faudrait s'assurer que la canalisation des eaux de pluie est bien fonctionnelle. Le coût de destruction est énorme suite aux inondations diluviennes. L'État devrait envisager des projets pour la construction des rivières qui proviennent des montagnes surplombant la ville de Bujumbura. Il faut que nos chefs de quartier, il faut que nos administrateurs, les chefs de zone comprennent que parmi les priorités de leurs obligations, que la question de la protection de l'environnement devrait occuper une place importante. S'assurer que qu'est-ce qui générait qu'un chef de quartier passe pour dire ce samedi, nous devons nettoyer les caniveaux pour que demain, s'il pleut, l'eau puisse s'écouler normalement. Mais si le chef de quartier s'endort, les autres, les habitants ne font que dire, finalement, il n'y a rien à faire. Comme le président de la République l'a dit, au niveau de chaque colline, il y a une synergie entre deux collines qui cohabitent et on aménage les courbes de niveau pour l'intérêt de tout le monde. Il faut que tous les Burundais prennent conscience que la protection de l'environnement est une obligation de tout le monde, de veiller à ce que l'environnement soit protégé, comme le dit l'article 4 du Code de l'eau. Par ailleurs, la protection de l'environnement est celle du bien-être de la personne humaine et surtout des générations futures. Christella Nizigama, 13h16 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive, à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui assurait la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.